Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Simone de Beauvoir, être ou ne pas être féministe. On ne naît pas femme, on le devient. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. Vraiment, le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. On ne naît pas femme, on le devient. La formule, qui est en quelque sorte révolutionnaire au moment de l'apparition du deuxième sexe en 1949, va devenir célèbre. Simone de Beauvoir, elle, est déjà célèbre. Au moment où elle publie le deuxième sexe, avec son compagnon Jean-Paul Sartre, elle fait la pluie et le beau temps dans ce mythique Saint-Germain-des-Prés, soi-disant existentialiste de l'après-guerre. Alors, comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui? Parce que vous êtes comme moi, vous l'avez à peu près terminée. Vous pourrez écrire encore. Mais en gros, notre œuvre est derrière nous. Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. Je ne veux pas dire que c'est ce que tout écrivain veut. Mais moi, ce que je voulais essentiellement, c'était donc parler, je me rappelle que je disais ça dans les mémoires des Léfirangers, parler aux gens pour ainsi dire de bouche à oreille. Parler de manière que les gens s'identifient avec mes héros, mes héroïnes, ou tirent profit de ce que je leur disais. Et là, je pense que j'ai réussi, parce que le deuxième sexe, entre autres, m'a valu énormément de lettres de femmes qui s'y référaient, qui disaient que ça les avait aidées. J'ai cherché vraiment à faire sortir le plus possible de ma propre expérience, d'en exprimer, enfin, tout ce qui en était à mes yeux exprimable, pour que ça puisse servir d'une certaine manière à autrui. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, extrait du documentaire Simone de Beauvoir, réalisé par José Dayan en 1979. Pour nous parler de la vie, de l'œuvre de Simone de Beauvoir, je reçois trois femmes, trois féministes. Aurélie Langteau, étudiante en droit, chroniqueuse au Devoir, auteure, entre autres, de l'essai « Les libéraux n'aiment pas les femmes ». Aurélie Langteau, bonjour. Bonjour. Chantal Maillé, professeure à l'Institut Simone de Beauvoir en études féministes de l'Université Concordia. Bonjour. Bonjour, Jacques. Et Yolande Cohen, professeure au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'histoire des femmes et du féminisme. Bonjour à vous, Mme Cohen. Bonjour, Jacques. Première question à toutes les trois. Qui est-elle, Simone de Beauvoir, pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente surtout pour vous? Aurélie, la formule le veut, vous êtes la plus jeune autour de cette table, mais je suis curieux quand même, pour votre génération, pour vous, qu'est-ce qu'elle représente, Simone de Beauvoir? Mais pour moi, au-delà de l'icône féministe, Simone de Beauvoir, c'est la figure de l'intellectuelle publique au féminin, ce qui est quand même une chose rare. C'est aussi une écrivaine, et moi, c'est ce rapport-là que j'ai d'abord avec elle. Et un modèle? Un modèle, certes, mais pas nécessairement pour les ressorts théoriques de sa pensée, ouais. Plutôt pour l'image et la femme qu'elle a été et son engagement au monde. Chantal Maillé. Moi, je dirais que Simone de Beauvoir, c'est un monument, c'est-à-dire une référence incontournable quand on parle de féminisme contemporain. C'est aussi quelqu'un qui a eu une idée fondamentale quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient ». Elle met de côté cette idée de nature, ouais. Pour dire qu'en fait, nous sommes formés par la culture, donc une idée qui est encore essentielle aujourd'hui. Et c'est vrai que dans c'est une la compréhension révolution qu'on a des enjeux. Absolument, tout ouais. À fait. Il faut voir à quel point les femmes, en 1949, sont encore déterminées par une sorte de destin biologique, ouais. Pas de contrôle sur la maternité, accablées par des stéréotypes, des rôles que la religion leur prête. Ouais. Et elle dit, mais en fait, tout ça, c'est construit, ce n'est pas inné. Alors oui, c'est extrêmement révolutionnaire. Yolande Cohen, vous avez eu la chance de la rencontrer, oui. Simone de Beauvoir. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre-là, de cette femme-là? Une réunion du MLAC qui était assez agitée et elle n'est pas une militante à proprement parler. C'est une femme très posée qui parle, qui pèse ses mots, qui est plus en effet une intellectuelle, une littéraire. Et moi, comme Chantal, je dirais que c'est un grand monument de notre pensée féministe. Ouais. Pas seulement de la pensée, mais aussi un modèle. Elle a réussi, je pense, à être une femme révoltée tout en étant une dame qu'on pourrait rencontrer tous les jours. Et c'est vraiment extraordinaire la manière dont, dans une période où la maternité était érigée, ouais. C'était vraiment la contribution majeure que pouvaient faire les femmes à une société, c'était de faire des enfants. Elle se met absolument contre ça et définit un espace totalement nouveau, ouais. pour les femmes. Et ça, je pense que c'est remarquable. Mmh. Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après. Je crois qu'il n'y avait à peu près aucun rapport entre la philosophie existentialiste, telle que l'on définit, que ce soit Gabriel Marcel qui a défini un existentialisme chrétien ou Sartre qui a défini un existentialisme athée, et cette jeunesse, sinon une question de topographie. Je veux dire que Jean-Paul Sartre fréquentait les cafés de Saint-Germain-les-Prés pour y travailler, et il habitait d'ailleurs, il habite encore sur la place Saint-Germain-les-Prés, et toute cette jeunesse... danser dans des caves de Saint-Germain-les-Prés, je vois très peu d'autres rapports entre les deux espèces d'existentialisme. C'était tout à fait accidentel, quoi, qu'ils se soient rencontrés. C'est tout à fait accidentel. Ceci dit, nous avions, Sartre et moi, des amis plus jeunes que nous parmi cette jeunesse, tels que Gréco, Anne-Marie Casalis ou d'autres. Mais enfin, les noms de muses de l'existentialisme qu'on a donnés justement à Gréco, Anne-Marie Casalis, ne signifiaient pas grand-chose. Il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui. Quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois. Juliette Gréco chantant, vous l'aurez probablement reconnu, Il n'y a plus d'après. Vous entendiez aussi dans cet extrait Simone de Beauvoir au micro de Wilfrid Lemoine à l'émission Premier plan en 1949, qui décrivait un peu, qui parlait de ce Saint-Germain-des-Prés devenu mythique de l'après-guerre. On va, dans les minutes qui viennent avec vous, Aurélie Langteau, essayer de refaire un peu le parcours de Simone de Beauvoir. On va parler de sa vie, on va parler de son œuvre littéraire, on va parler de ses amours, ce qui, bien sûr, nous ramène tout de suite à ce qu'on vient d'entendre, à ce Saint-Germain de l'après-guerre, à Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre qui font la pluie et le beau temps dans ce Saint-Germain-là. D'abord, comment ils se rencontrent? Quand et comment se rencontrent-ils, ces deux géants? Alors, ils se rencontrent alors que Simone de Beauvoir est dans ses années à la Sorbonne. Elle prépare l'agrégation. On est à la fin des années 20, au tout début des années 30. Et Sartre et elle vont tout de suite avoir des liens très, très forts. Elle est impressionnée par son intelligence et réciproquement, ils vont vivre une idylle amoureuse également, c'est évident. Elle, à l'époque aussi, connaît une liberté qu'elle n'avait jamais connue dans son milieu familial. Donc, elle vient d'un milieu assez bourgeois, assez confortable, ouais, mais qui était assez restreignant pour la jeune fille, jeune femme qu'elle était, alors qu'à la Sorbonne, elle s'épanouit intellectuellement. Elle est capable aussi de vivre à la hauteur de ses prétentions de liberté. Ouais. Elle et Sartre tissent des liens très, très forts, mais ils flottent un peu. Et elle le dit elle-même dans la Force de l'âge, la deuxième partie de ses mémoires parue en 1960. À cette époque-là, ils étaient amoureux de leur propre liberté, amoureux des livres, de la vie, des idées, mais vivaient dans une espèce d'indolence par rapport au monde également. Ils vivaient une condition d'intellectuel petit bourgeois très, très étroite, mais ils vont quand même développer ensemble une pensée ainsi qu'une relation très forte. On va leur reprocher, par exemple, de ne pas avoir, d'avoir été un peu indifférent à ce qui se prépare à ce deuxième conflit mondial. Et puis, il y aura entre eux, assez vite, ce fameux pacte. Parlez-moi de ça. Alors, c'est le pacte qui est celui des amours contingentes. Alors, essentiellement, Sartre va en venir à proposer à Simone de pouvoir avoir des aventures en parallèle de leur union pour être capable de s'émanciper et de s'accomplir pleinement, respectivement, comme homme et comme femme. C'est son idée à lui. L'idée étant aussi de tout se dire. Oui. Ça repose sur le principe qu'on peut, qu'on doit, mais aussi qu'on peut tout se dire dans les relations qu'on entretient, les relations intimes qu'on entretient avec les autres. Elle va accepter. On a beaucoup véhiculé cette idée qu'elle a acceptée à contre-cœur, ce qui n'est pas tout à fait faux, au sens où elle a fini par en souffrir de ce pacte-là, parce qu'elle voyait les aventures que Sartre avait et parfois ça lui faisait du mal. En même temps, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, lorsqu'il le lui propose, elle n'avait pas du tout l'intention, elle, de vivre une relation monogame. Elle était contre le mariage. Elle n'était pas moins indomptable que lui, mais cette idée d'amour contingente, c'était la sienne. Ils vont aller de l'avant comme ça et finalement, elle va finir par être capable de s'épanouir là-dedans, car elle va vivre des belles histoires en parallèle de son union avec Et ce pacte-là, ce modèle-là, est-ce que ça ne devient pas aussi dans la mythologie autour du couple? C'est un des couples les plus célèbres du 20e siècle. Est-ce que ça ne fait pas partie de ça? Il y a peut-être une part de rêve. En fait, beaucoup de gens vont se reconnaître, vont se dire, oh, pourquoi on n'essaie pas ce, ce modèle-là? Liberté, Yaron Cohen. C'est la libération des liens du mariage. Oui. En fait, c'est un refus complet et on le voyait aussi dans l'entretien. Elle n'a rien à voir avec le catholicisme, oui, et avec, mm-hmm, la religion. Le mariage, c'est une institution familiale de l'Église catholique, imposée, le mariage entre un homme et une femme pour faire des bébés. C'est quelque chose contre lequel, vraiment, ouais, ils veulent s'émanciper. Chantal Maillet. Mais tout ça, c'est un peu du spectacle dans la mesure où ça ne traduit pas véritablement ce qu'ils ont vécu l'un et l'autre ensemble et séparément. Ouais. Et il ne faut pas oublier aussi que quelque part vers la fin de sa vie, Simone de Beauvoir a dit qu'elle avait été flouée. Et là, il y a eu toutes sortes de spéculations à savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire par rapport à ça, mais une sorte de mécontentement par rapport à l'ensemble de sa vie et de ses relations amoureuses. C'est un sacré défi, en tout cas, oui, ce qu'ils avaient dessiné comme pacte. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent en convenir. Quel genre de rapport ils auront sur un plan plus intellectuel. Je vous propose d'écouter à nouveau Simone de Beauvoir à ce propos, sa rencontre avec Sartre, ce qu'il représentait pour elle. Vous dites aussi, c'était la première fois de ma vie que je me sentais intellectuellement dominée par quelqu'un, en parlant de Sartre. Oui, parce que d'abord il était un peu plus âgé, ce qui compte beaucoup dans ces âges-là. Ensuite il avait fait l'école normale, ce qui donne une culture bien plus profonde que d'avoir passé du cours désir simplement à la Sorbonne. Et puis, il était terriblement obstiné dans ses théories, dans sa pensée. Il pensait vraiment toute la journée, alors que moi, je pensais beaucoup, mais quand même pas toute la journée. Alors, à ce moment-là, quand nous avions des discussions, il est évident qu'il était très à l'avance sur moi, et que, enfin, très à l'avance, peut-être pas très à l'avance, mais en avance, et que c'était lui, généralement, à qui je devais donner raison dans nos discussions. Il avait aussi une culture beaucoup plus profonde, beaucoup plus étendue. Ça vous fascinait qu'il ait une culture plus étendue que vous ? Surtout qu'il soit plus intelligent que moi, ou plus apte, disons, à user de son intelligence. Bien sûr, ça me fascinait. Et puis en même temps, sa vitalité, c'est pas simplement l'intelligence, parce que j'avais connu des garçons intelligents. Mais en même temps, il était plus intelligent que tous les autres, d'une part. Et puis il avait une vitalité, une générosité, une chaleur, une drôlerie, enfin quelque chose qui en faisait quelqu'un, à mes yeux du moins, de très fascinant. Alors, sur quoi repose cette relation? Sur le plan plus intellectuel, Aurélie Lanteau. Mm-hmm. En fait, cet extrait-là est assez fascinant. C'est pas le seul endroit où elle tient ce type de propos, parce qu'elle le dit, bon, plus intelligent, plus cultivé, plus apte à utiliser son intelligence. Et pourtant, Simone de Beauvoir était une travaillante acharnée. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a surnommée le castor, parce qu'elle travaillait tout le temps, mm-hmm, comme l'animal. Bien avant qu'elle rencontre Sartre, d'ailleurs, qui l'appelle castor. Avant. Déjà, à l'école, on la surnommait castor. On la surnommait déjà comme ça. Oui. Et sa pensée philosophique, autant que son travail d'écrivain, avait une rigueur et avait aussi une pérennité qu'on voyait déjà s'annoncer, oui, dès le début. Donc, cette propension-là qu'elle avait à sous-estimer sa solidité intellectuelle, je pense que ça nous dit quelque chose sur la relation qu'ils pouvaient entretenir l'un à l'autre. Parce qu'ils se doivent réciproquement beaucoup dans leur pensée, oui, dans leur travail intellectuel. Ils vont avoir des débats très animés. Ils se parlaient mutuellement de leurs travaux, de leurs écrits. Oui, et de façon très féconde, respectueuse. Je pense qu'il y avait beaucoup d'estime intellectuelle entre les deux. Bon, il va l'aider à former le projet du deuxième sexe, ouais, qu'elle a évidemment mené à bien seule, sans son aide, mais ils ont des échanges qui sont très fructueux. Toutefois, sa propension à dénigrer la valeur de son travail à elle, moi, je la trouve fascinante quand on regarde l'ampleur de l'œuvre, en fait. Ouais. Y a-t-il égalité, au fond? Moi, c'est ça que l'extrait qu'on vient d'entendre me suggère, Chantal Maillet, entre deux. Oui, mais en fait, elle parle de l'intelligence de Sartre, alors que Sartre, dans une entrevue qu'il a donnée au magazine Vogue à Madeleine Gobeil en 65, dit que ce qui l'avait attiré vers Beauvoir, c'était sa beauté et qu'en fait, elle avait tout. Elle avait donc cette sensibilité, cette intelligence dans le corps d'une femme, c'était tout ce qu'il recherchait. Ouais. Mais en même temps, bon, on sent qu'il est beaucoup dans les stéréotypes et qu'il ne parle pas de son intelligence à elle, mais de sa sensibilité, de sa beauté. Oui, je pense qu'elle est fascinée par Sartre. Elle est vraiment dans une fascination qu'elle n'arrive pas à expliquer. Hein. C'est vraiment très intéressant, cet extrait. Parce qu'au fond, elle n'a pas fait Normal Sup, elle n'a pas fait une école normale. Et ça, c'est, quand vous remettez dans le contexte français, où Normal Sup, c'est comme, si on est arrivé premier ou deuxième ou troisième à Normal Sup, ben là, ça vous marque pour le restant de vos jours. Là, elle n'a même pas fait Normal Sup. Ouais. Donc, elle est dans une situation d'infériorité vis-à-vis de lui, au niveau... Au départ, il est plus vieux qu'elle. Institutionnellement, elle n'est pas à sa hauteur. Et tout ce qu'elle va faire, elle le dit après, c'est de parler du bouche à oreille, d'être dans un truc d'intimité. Et donc, elle est dans une posture de femme. Ouais. Je dirais pas dominée, mais dans une posture de femme dépendante de l'intelligence de l'homme. Elle le sera peut-être, on y revient dans une minute ou deux, dans une autre relation, l'autre grand homme de sa vie, Nelson Algren. Mais juste un mot avant, Aurélie Langteau, pour faire un détour par l'écrivaine. Elle va écrire, Simone de Beauvoir, des romans, des œuvres biographiques, autobiographiques, des essais. Décrivez-nous un peu, si c'est possible, en une minute ou deux, le parcours. Et comment se comparent ces différents genres quand on lit Beauvoir? Ouais. Ben, il faut savoir que la première ambition de Simone de Beauvoir, c'était de devenir une écrivain. Hein? Elle le dit dès ses 15 ans, mon destin ne visera qu'une seule chose, et c'est celui de devenir une écrivain célèbre. Est-ce qu'elle a réussi? Je pense que oui, elle gagne quand même le prix Goncourt en 1955 pour Les Mandarins. Elle écrit de nombreux romans. Ses mémoires ont une saveur littéraire aussi qui est très, très claire. Même Le deuxième sexe, à mon avis, est un livre, certes, de pensée politique et de philosophie, mais écrit comme aurait pu l'écrire un écrivain. Donc, vraiment, le rêve, l'ambition première, c'était ça. Et je crois qu'elle s'est clairement accomplie sur ce plan-là. Et pour elle, bon, très tôt dans sa vie, elle va rejeter la religion. À 14 ans déjà, elle se dit, pour moi, bon, la religion, c'est terminé. D'ailleurs, elle s'inscrit, elle crée un peu un froid avec sa mère pour cette raison-là, qui était sa mère qui était très, très pieuse. Mais elle va projeter son désir d'absolu dans la littérature. Elle voue un culte absolument exceptionnel aux grands écrivains. Elle recherche la perfection dans la littérature. Elle est transportée par ça. Et son travail va être orienté comme ça pour le reste de sa carrière. Et quand on la lit, est-ce qu'il y a différentes Simone de Beauvoir selon qu'on lise un roman, un essai, Chantal Maillé? Il y a certainement une constante dans ses référents, ses idées, ce qu'elle veut passer dans ses romans, par exemple, est tout à fait inspiré de la philosophie existentialiste. Mais ce que je trouve fascinant... On parlera aussi, de romans existentialistes, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Mais il y a une large partie de son œuvre qui est consacrée à son autobiographie. Donc, elle a tenu son journal, le journal d'une jeune fille rangée et tout. Sauf que les biographes qui ont réécrit sa vie ont bien montré à quel point elle a laissé d'immenses pans de sa vie réelle en dehors de ces journaux-là. Donc, il y a quelque chose de fascinant parce qu'on est... Est-ce qu'on est dans l'autobiographie ou dans l'autofiction? Quelque part, voilà. Elle est peut-être celle qui a inventé l'autofiction. Pense, oui, exactement. Tout à fait. Dans la présentation de soi différente. Oui, exactement. Oui, c'est ça. En même temps, sa démarche dans la rédaction de ses mémoires, c'était pas tellement de parler d'elle-même, mais de parler d'une époque. Donc, en ce sens-là, l'aspect plus autofictionnel vient peut-être se justifier. Ouais. Mais bon, effectivement, il y a une ambiguïté à cet égard-là. Alors, revenons aux amours de Simone de Beauvoir. Je l'évoquais il y a quelques minutes. On parlait de sa relation à Sartre en se disant qu'il y a peut-être une forme d'admiration, mais de domination acceptée aussi. Quand on voit un peu ce qu'elle vit avec cet Américain, Nelson Algren, il y aura deux grands hommes dans sa vie, Aurélie Langteau, Jean-Paul Sartre et Nelson Algren. Ça laisse songeur. Décrivez-nous un peu cette dynamique entre Beauvoir et Algren. Alors, on est en 1947. Simone de Beauvoir se fait inviter seule aux États-Unis pour donner une série de conférences. Alors, elle et Sartre, à cette époque-là, ont déjà une vie publique comme couple, comme entité, mais elle est appelée à voyager seule pour aller s'exprimer aux États-Unis. Et là, déjà, elle arrive aux États-Unis et elle est fascinée par ce qu'elle découvre. Elle est fascinée par l'effervescence de New York et de Chicago en particulier. Et là, elle va faire la connaissance de cet écrivain beau gosse, très séduisant, qui est en fait tout le contraire de Jean-Paul Sartre, hein, qui avait un sourire extraordinaire et puis bon, qui vivait aussi dans les bas-fonds de Chicago, qui, comme écrivain, Nelson Algren s'intéressait aux marges, aux gens qui vivent dans la misère, dans la pauvreté et dans l'excentricité que ça peut véhiculer. Et là, ça va être le coup de foudre. Ou du moins, de son côté, elle va tout faire pour se rapprocher de lui. Ils vont vivre une passion extraordinaire. Avec des lettres délirantes qui nous laissent songeurs, où elle lui dit, je paraphrase, je ne me souviens plus exactement, mais je viens te rejoindre, je te ferai à manger, je laverai le plancher, je t'aiderai à écrire et je te ferai l'amour 10 fois par jour. Et j'essaierai de pas trop être fatiguée. Absolument. Elle se met en scène comme cette amante particulière, cette maîtresse particulièrement docile qui ne lui ressemble finalement pas du tout. En même temps, je pense qu'il faut vraiment pas réduire la relation qu'elle et Algren ont eue à ce type d'échange-là, parce que ce qu'elle découvre auprès d'Algren, et c'est de ça dont elle tombe amoureuse, c'est l'expérience d'une altérité radicale. Oui. Elle va découvrir la vie dans les bas-fonds de Chicago, les fractures qui traverse la société américaine. C'est auprès de Nelson Algren que va se forger sa sensibilité pour la différence des sexes également. Et puis, c'est de ça qu'elle est amoureuse, en fait. Mais quand même, est-ce qu'elle, je ne sais pas qui veut réagir, est-ce qu'elle n'aime pas être... dominée en amour, en tout cas avec ces deux hommes, Sartre et Algren. Ben en fait, écoutez, on peut pas présumer de ses intentions, mais il faut se retourner au contexte. Bon, on est en 1947, là. Alors, évidemment, les modèles d'émancipation, d'amour libéré et tout, sont pas la norme. Ouais. Alors, d'une certaine façon, bon. Mais en même temps, il faut pas oublier qu'en 1947, elle a déjà vécu plusieurs relations avec des femmes. Ouais. Et ça, bon, elle en parle jamais, mais alors, elle a peut-être vécu deux relations très fortes avec des hommes, mais qui ne sont pas exclusives. Mmh. Donc, peut-être qu'il y a dans son écriture, et puis elle dit aussi dans sa correspondance avec Algren que comme elle ne parle pas très bien anglais, les nuances échappent. Donc, elle écrit des trucs peut-être un peu gros. Juste un petit mot, Yolande Cohen, sur cette relation-là, je vous voyais là, du coin de l'œil. Oui, Piaffé. Oui, non, je voulais juste faire une remarque rapide. C'est que je pense qu'elle est vraiment amoureuse. Et, tout simplement amoureuse. Et que ce n'est pas une question de qui domine qui dans une relation amoureuse, mais comment exprimer son amour. Alors, oui, je te ferai tout. Je ferai tout pour toi. C'est assez beau quand même. Ouais. On va profiter du fait qu'on a entendu cette chanson qui évoque cette relation pour Chantal Maillet de lisser vers cette œuvre monumentale de deuxième sexe parce qu'il y a un lien. Elle en est où, Simone de Beauvoir? Elle est encore avec Algren ou elle vient de le quitter? Là. Parlez-nous du contexte dans lequel elle écrit le deuxième sexe. Le deuxième sexe, elle a commencé à l'écrire en 1946. Elle a terminé, donc l'œuvre a été lancée en 1949. Donc, ça se déroule sur 4 ans et ça correspond aux années de sa relation avec Nelson Algren. Donc, d'une certaine façon, Algren a aussi été une influence importante parce que, comme l'évoquait Aurélie tout à l'heure, en lui montrant les bas-fonds de Chicago, il lui montre également la condition des Noirs. Et elle va s'inspirer de ça pour réfléchir sur ces personnes qui sont altérisées, qui sont désignées comme autres. Et dans le deuxième sexe, elle fait souvent ce parallèle entre les femmes et les Noirs. Oui. Ceci dit, aujourd'hui, avec le recul, on se dit, oui, mais elle a oublié de voir qu'il y avait aussi des femmes noires. C'est comme si elle a pensé cette articulation de façon très exclusive, les Noirs d'un côté, les femmes de l'autre, en oubliant qu'il y avait donc des femmes noires. Pourquoi elle se lance dans cette aventure? C'est quoi l'étincelle? Qu'est-ce qui fait qu'elle se dit, tiens, j'écris cette œuvre, cet essai, le deuxième sexe? Oui. En fait, elle évoque dans un de ses récits autobiographiques le fait qu'un jour, dans une conversation avec Sartre, celui-ci lui dit « Mais en fait, vous n'avez pas été élevé comme un garçon, ça a dû compter dans votre vie. » Et elle dit « Non, pas tant que ça. » Mais se met à réfléchir donc à la question que Sartre lui avait lancée et réalise que finalement, elle a été élevée comme une fille et que quelque part, ça a dû compter dans son éducation. Donc, elle se lance le défi de faire une espèce d'encyclopédie de la condition des femmes à ce moment-là. Et donc, ça va l'amener beaucoup plus loin que ce qu'elle avait établi au point de départ parce que, donc, pendant de nombreuses années, elle va être dans ce projet-là. Oui. Elle va devoir lire, à peu près tout. Elle lit, elle rencontre des gens. Mais l'idée, c'est de décrire cette condition. Enfin, exactement. Portrait, voilà. La condition donc, féminine de l'époque. Le projet du deuxième sexe, c'est de parler de la condition des femmes et avec une idée de départ, donc, qui est très forte, qu'elle lance dans l'introduction, lorsqu'elle dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais ceci étant précédé de la question suivante. Qu'est-ce qu'une femme? Oui. Et qu'est-ce qu'une femme au sens où, donc, comment définir une femme? Alors, elle prétend avoir cette espèce de regard encyclopédique sur la vie, la condition des femmes à travers l'histoire, à travers les cultures. Et ça l'amène, bon, à lire tout ce qui a été publié, non seulement en philosophie, mais aussi en psychologie, bon, en sociologie. Le deuxième sexe, pourquoi? Pourquoi le deuxième sexe? Alors, le deuxième sexe, donc, encore là, dans les notes biographiques, elle raconte que l'on désignait comme troisième sexe les homosexuels à l'époque. Donc, elle se dit, mais en fait, entre le premier sexe et le troisième sexe... Le premier sexe étant, étant les hommes. Donc, les homosexuels étant désignés comme le troisième sexe, forcément, les femmes sont le deuxième sexe. Et voilà le titre de son ouvrage. Un petit mot, Yolande Cohen, c'est 49. On voit un peu ce qu'elle veut faire, décrire cette condition féminine de 1949, elle est en France. Un petit mot sur le contexte, parce que c'est quand même intéressant de voir dans quel contexte plus général elle écrit cette œuvre-là, quand on parle particulièrement de la situation des femmes dans cette France de 1949. Alors, c'est vraiment un contexte dans lequel qu'il est difficile de s'imaginer. On vient de finir la Deuxième Grande Guerre mondiale qui a des millions de réfugiés. On n'a pas d'idée de la quantité de déplacements de population qui ont eu lieu. Et la question de la natalité est au centre de tous les débats. Ce n'est pas nouveau. Il y a eu une Première Guerre mondiale où on a eu la même chose. Il faut repeupler. Il faut repeupler la France. Il faut repeupler les pays, tous les pays belligérants. Mais en France, la question nataliste est déjà très, très aiguë depuis la fin du 19e siècle parce qu'on voit une baisse de la natalité constante depuis la fin du 19e siècle. Et donc, les mouvements natalistes sont déjà très forts. Ouais. La Première Guerre mondiale, ils ont obtenu d'avoir des associations. Les organisations familiales pullulent partout. Ouais. Et les féministes françaises sont en grande partie des féministes qui sont pour la maternité et qui utilise le maternalisme comme un des éléments pour l'obtention de droits sociaux et pour l'obtention de, d'un état social. Et elle va jeter et donc, un pavé dans la mare. Et elles sont en faveur de la protection des femmes. Donc pas du tout la dynamique de liberté, de libération, etc. Plutôt une dynamique de protection par l'État et de mise en place de systèmes très élaborés d'allocation familiale, d'organisation familialiste, etc., etc., que l'Église, dont la morale familialiste de l'Église, alimente. Et donc, elle arrive là et elle devient quelqu'un qui est hermétiquement opposée et critique à cette structure familiale qui est celle d'avoir un mari et des enfants. Et ça, on y vient dans un instant, mais cette dimension-là, ça va faire partie de ce qui va l'attendre, c'est-à-dire un accueil très... Même si ce livre-là, Le deuxième sexe, va se vendre comme des petits pains chauds, mais un accueil très, très critique, très sévère. On écoute Simone de Beauvoir en parler, extrait du documentaire de José Dayan, Simone de Beauvoir. Bien sûr, il y a eu quelques hommes qui m'ont soutenu, dont j'étais sûre d'ailleurs du soutien, c'est-à-dire Sartre, Merleau-Ponty, Francis Janson, quelques autres amis, qui étaient tout à fait d'accord avec le livre. Mais j'ai eu quand même de grosses surprises, parce que quelqu'un comme Camus, par exemple, que je ne pensais pas du tout machiste, en fait, peut-être du fait qu'il est méditerranéen ou je ne sais quoi, a été furieux et a dit que j'avais ridiculisé le mâle français. Et puis, il y a un professeur que je connaissais, un professeur de Sorbonne, qui était un beau-frère de Merleau-Ponty, et qui a pris le livre et qui, au bout d'une lecture assez brève, l'a jeté d'un bout à l'autre de la salle dans la fureur. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables, en disant que j'étais humiliée d'être une femme, et qu'alors je voulais, à cause de ça, ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants, parce que le livre avait quand même eu un certain succès, on avait parlé de moi, en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude. Mais alors, quelle réaction crée la publication du deuxième sexe à sa publication en 1949, donc, Chantal Maillet? Ben, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 20 000 copies qui sont vendues en l'espace de 2 semaines en France, donc un succès de librairie incroyable, mais en même temps, un succès qui est davantage lié au parfum de scandale qui est rattaché au deuxième sexe, parce que l'ouvrage parle de sujets qui sont relativement tabous, et Simone de Beauvoir écrit des choses qui sont, bon, comme le disait Yolande tout à l'heure, qui font contraste avec la norme dans la société française de l'époque. Elle brasse la cage, sérieusement. Ben, tout à fait. Et lorsqu'elle parle de la maternité, par exemple, elle dit que engendrer, allaiter, c'est une fonction animale et non pas une fonction humaine, et que ce n'est pas en donnant la vie, mais bien en la risquant, que l'être humain acquiert sa véritable dimension d'humanité. Et qu'il n'y a, en guillemets, aucune gloire pour une femme à... Voilà, exactement. À être mère, à allaiter un enfant. C'est peu oui, ça tout le à fait. Message. Et elle, bon, elle parle aussi, elle a des chapitres sur la sexualité des femmes, sur la lesbienne, sur la femme mariée. Donc, elle met en scène des idées qui sont extrêmement révolutionnaires pour l'époque. Alors, évidemment, la réception d'un ouvrage comme ça, c'est à la fois, bon, tout le monde en parle, mais c'est un objet de scandale. Et autant les communistes que les chrétiens sont complètement offusqués. On ne naît pas femme, on le devient. C'est la première grande idée. On en a parlé déjà. Il y a une autre grande idée, au moins, mais quand on parle de formule dans le deuxième siècle, je vous laisse écouter d'abord Simone de Beauvoir, puis on en parle ensemble. Je pense que cette condition n'est pas seulement autre, qu'elle est inférieure, que c'est une infériorité non pas de nature, mais de situation, et qui aboutit à ce que la femme n'est pas sur un pied d'égalité, même dans la différence, avec l'homme, mais qu'elle apparaît comme, selon le mot de Michelet, un être relatif, alors que l'homme est, lui, un être autonome. Que ce sont toujours, jusqu'ici, les hommes qui se sont pensés comme le sujet, somme toute, la conscience du monde, et ceci parce que ce sont eux qui ont agi, qui ont projeté, qui ont créé, façonné, en somme, pratiquement ce monde, tandis que la femme était dans un rôle de vassal, de subordonné, de compagne, dans un rôle secondaire. Et je pense que c'est une infériorité pour un être humain de ne pas pouvoir se poser comme sujet autonome, comme centre de référence de son propre monde, de sa propre vie, mais d'être toujours dans la dépendance d'une autre catégorie, on pourrait presque dire d'une autre caste humaine, et pratiquement d'autres individus que soi-même. Ça, c'est aussi fondamental dans le deuxième sexe, dans la pensée, dans la petite révolution que sera cet ouvrage, Chantal Maillé. L'homme est le sujet, la femme est l'objet. Oui, exactement. Et la femme est autre. Ouais. Mais en même temps, quand on voit comment elle élabore cette idée-là, ce dont on se rend compte, c'est que pour elle, la féminité, donc comment les femmes doivent vivre leur vie, c'est ça qui est aliénant pour les femmes. C'est la féminité telle qu'elle est construite, comme étant culturelle. Mais elle évite de parler de la masculinité dans les mêmes termes. Et pour elle, donc, la masculinité, la condition des hommes est une condition universelle qui permet aux hommes de vivre dans la liberté. Mmh. Et en ce sens-là, donc, il y a peut-être quelque chose dans cette œuvre qui fait problème, à savoir comment elle parle de la féminité, comment elle dévalorise la féminité telle qu'elle est construite et comment elle survalorise la masculinité. Certaines féministes ont dit que c'est une vision non seulement masculiniste, mais on a parlé de misogynie du deuxième sexe. Bon, mais en fait, Marie-Jo Bonnet, dans la biographie qu'elle a publiée en 2015, utilise exactement ce terme-là. Elle dit que c'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons du succès de l'œuvre, à savoir que donc, c'est une œuvre qui est misogyne, c'est une œuvre qui donc, nourrit la haine des femmes. Mais il faut voir qu'il y a des passages dans l'œuvre qui sont en effet relativement problématiques, mais qui en même temps réfèrent à la condition des femmes en France en 1949. Donc on peut l'expliquer, mais oui, il y a un ton, et c'est un ton très dissocié parce que Simone de Beauvoir parle de la femme, mais elle ne parle jamais au jeu, elle ne parle pas d'elle. Et c'est comme si elle regardait ces femmes qui ont une vie misérable, mais jamais elle ne parle d'elle-même. Et ça, on va beaucoup lui reprocher, justement, un extrait là-dessus. Elle commence dans l'extrait qu'on va entendre, où elle parle à Claude Lanzmann en 1967. Elle commence en parlant de la maternité, sa vision de la maternité qu'on a beaucoup critiquée, on l'a évoquée il y a quelques minutes, mais écoutez l'extrait jusqu'au bout. On va revenir ensemble ensuite, Chantal Maillé, sur cette critique aussi qui sera très, très présente, cette espèce de dissociation de Beauvoir par rapport à l'objet étudié, la condition féminine. Il y a des femmes et beaucoup d'hommes qui disent qu'une expérience capitale vous a manqué, celle de la maternité. Et que sur ce point, vous êtes mutilé. Si j'avais voulu écrire un livre sur la maternité vue de l'intérieur et sentie de l'intérieur, bien entendu, on aurait pu me faire ce reproche. D'ailleurs, ça serait un propos absurde et je ne l'ai pas tenté. Mais quand j'écris le deuxième sexe, je fais un travail de sociologue, d'anthropologue, et je parle du dehors, de conditions qui sont tout à fait différentes de la mienne. Je parle aussi bien des prostituées que des mères, que de la femme à travers les âges. Et par conséquent, ce reproche n'a absolument aucun sens. Que je sois mère, que je ne le sois pas, ce que j'ai à dire sur les femmes en général n'est pas du tout lié à mon expérience personnelle. À ce compte-là, alors la sociologie serait impossible, parce que si vous n'êtes pas vous-même un corbeau, vous ne pouvez pas écrire un livre sur les corbeaux. Toute la sociologie est au contraire basée sur une certaine distance entre la société que vous étudiez, la condition que vous étudiez, et puis vous-même. Il n'y a de mutilation que si vous avez souhaité quelque chose et que vous ne l'avez pas, mais si vous ne le souhaitez pas et que vous ne l'avez pas, il n'y a pas de mutilation. Parce qu'un manque n'est jamais un manque en soi, il y a de manque que lorsqu'il y a un désir inassouvi. Du moment que je n'ai pas eu un désir d'enfant, de ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas une mutilation. Au-delà de la maternité, encore une fois, qui a fait grand bruit, mais on en a parlé, sur cette dissociation, la réponse, elle est très habile à ceux qui disent « Vous cherchez à vous dissocier de cette condition féminine que vous décrivez. » C'est habile quand même ce qu'elle répond. Oui, tout à fait. Et on comprend bien, donc, lorsqu'elle explique qu'elle peut parler de la maternité sans être mère, sans avoir désiré être mère, bon, effectivement, c'est le propre de l'enquête sociologique ou de la littérature. Mais au point de départ, donc, ce projet, elle le portait parce qu'elle se posait des questions sur comment le fait d'être une femme avait déterminé sa vie, qui elle était. Et finalement, on retrouve dans cet ouvrage un ton qui est, bon, de nulle part. Et elle parle de la femme, mais elle ne parle jamais de ses expériences, elle ne parle jamais d'elle. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette dissociation, de cette froideur? On a dit, on lui a reproché d'être froide, d'être dure à l'endroit des femmes, presque de ne pas aimer les femmes. Oui, tout à fait. Mais aussi de ne pas s'identifier comme femme. Je pense que ça, c'est très fort. Cette idée que les personnes dont elle parle dans le deuxième sexe, elles ne s'y identifient pas. Ce sont des personnes qui sont autres. Et parce qu'elle a une vie qui est relativement différente aussi des femmes en 1949. Elle est une femme indépendante, elle n'a pas d'enfants, elle a des amants, bon, elle a une vie libre, elle ne croit pas en Dieu. Alors, ne serait-ce que pour ça, sa vie n'est pas la vie des femmes françaises en 1949. Un dernier mot, Yolande Cohen, qu'est-ce qui reste en termes de valeur de cette œuvre-là dans la mesure où on a ce regard tellement dissocié? Je sais pas si j'utiliserais le terme de dissocié. On est dans une période où la distance académique habituelle est celle de mettre le sujet sur lequel on parle à distance de soi. On ne parle pas de soi, c'est même un prérequis. C'est pour ça qu'elle parle de sociologie. Elle aurait pu dire, même comme philosophe, ce qu'elle est, elle n'est pas sociologue. Mais en tout cas, peu importe, c'est intéressant de voir qu'elle utilise le terme de sociologue. C'est parce que, en fait, toute la critique sociologique, c'était de se mettre à distance de son sujet et de pouvoir parler. Parce que ce qu'elle veut, c'est de parler d'un universel. On lui a reproché que c'était un universel phallique qu'elle remettait à la place de l'universel masculin. Et c'est tout à fait exact. La remarque de Chantal est tout à fait exacte. Mais en même temps, je pense que précisément dans ces années-là, ce qu'elle veut faire, c'est faire une construction féministe théorique à partir de ces constats et d'un constat qu'elle fait à distance d'elle-même sur la condition des femmes. Bon, elle parle de la condition de la femme, mais parce que c'était la terminologie aussi qui était utilisée à ce moment-là. Extrait d'un reportage de Ronan Sicard le 19 avril 1986, au moment des obsèques de Simone de Beauvoir. Que reste-t-il de cette figure de Simone de Beauvoir? Quelle importance elle a eue dans l'histoire des femmes et du féminisme? Yolande Cohen, je vous pose la question. Quelle place elle occupe, Simone de Beauvoir, dans cette histoire des femmes et du féminisme? Je pense que c'est une place tout à fait exceptionnelle. Elle a une place à part. Beaucoup de féministes américaines... Malgré les critiques. Malgré les critiques, oui, parce qu'elle est ambivalente, comme beaucoup de féministes, sur certains nombres de points. Et donc, elle a essayé de théoriser la place des femmes dans la société dans laquelle elle vivait et de manière plus générale, de façon un peu plus universelle. Elle a identifié des éléments extrêmement importants, on en a parlé ici. Quelques idées très très fortes, sur la domination des femmes, sur leur aliénation aussi, sur leur non-autonomie, leur non-liberté. Et je pense que ces critiques sont extrêmement fortes et elles résonnent encore aujourd'hui parce que, bon, oui, on peut dire qu'on a l'égalité, mais on sait très bien que c'est une égalité formelle et que encore beaucoup de choses restent à faire. Et donc, elle a été quand même un peu militante. Elle a été associée au MLF. Ouais. Alors, bien sûr, le mouvement féministe français était très divisé. Il y avait des tendances qui voulaient la ramener à elle. Chacune des tendances se réclamait de Simone de Beauvoir. Finalement, elle ne s'est pas associée à tous ces mouvements. Elle était ponctuellement, elle faisait des apparitions ponctuelles quand on avait besoin d'elle. Et pourquoi elle a tardé, en fait, à s'associer au mouvement féministe? Pourquoi? C'est une grande question. Avant de vous entendre, Yolande Cohen, et d'entendre mes deux autres invités, on l'écoute, Simone de Beauvoir, en parler un petit peu dans le documentaire de José Dayan en 79. 79, quand même important. Elle nous parle de son rapport, justement, un peu avec les féministes, le mouvement féministe. À l'époque où j'ai écrit le deuxième siècle, il n'y avait pas de féminisme valable. Et c'est en effet seulement il y a, je dirais il y a 8 ans à peu près, que se sont créés, à partir des mouvements américains, également en France, des mouvements réellement féministes. Alors beaucoup de ces femmes se sont décidées à prendre vraiment leur destin en main, et c'est à ce moment-là que je les ai rencontrées, quand le féminisme proprement dit naissait, si on entend par féminisme le refus de subordonner les problèmes féminins à d'autres problèmes, tels que par exemple justement la lutte des classes, et à considérer que c'était au contraire une oppression majeure, un problème majeur qui ne veut pas être subordonné à d'autres. Je suis curieux de vous entendre. Yolande Cohen d'abord, mais quel rapport elle aura avec le mouvement féministe? Elle met du temps. Et là, ce qu'elle vient de nous dire, au fond, c'est un petit peu comme s'il n'y avait rien eu... avant elle. Ouais. Quand même incroyable. C'est parce que, oui, c'est incroyable. C'est incroyable, mais ça, c'est le propre aussi. Hein. Chacune des féministes pense qu'elle invente la poudre, quasiment. Dans les années 70, on avait bien cette revue partisan qui s'appelait « Année zéro du féminisme ». Alors bon, donc, chaque mouvement et chaque génération, je dirais, réinvente la roue. Et dans son cas, c'est un peu dommage parce que... Mais en même temps, c'est compréhensible parce qu'il y a eu quand même tout le mouvement en faveur du droit de suffrage qui a été vraiment important. Il y a eu, comme je disais tout à l'heure, les mouvements maternalistes qui n'étaient pas des mouvements essentialistes mais des mouvements qui, justement, visaient à la protection des femmes. Bref, il y a eu, même à côté d'elle, Evelyne Sullerot, il y avait d'autres femmes, Ménie Grégoire qui avait son émission à la radio qui parlait de femmes. Alors, c'était pas, en effet, c'était pas le féminisme qu'elle aurait aimé à être associée. Elle va finir par y arriver. Chantal Maillet, qu'est-ce qui sera le point tournant, le déclencheur? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle va dire « Bon, j'ai ma place dans ce mouvement féministe. » Mais il faut voir qu'au moment où elle écrit Le deuxième sexe, elle ne croit pas dans le féminisme. Pour elle, elle ne voit pas la possibilité pour les femmes de se libérer elles-mêmes parce que, dit-elle, elles vivent avec leurs oppresseurs. Contrairement aux classes ouvrières, par exemple, qui pourraient se révolter, les femmes sont isolées, elles vivent avec leurs oppresseurs. Elle dit que aussi Sartre ne croit pas dans cette idée de libération des femmes. Il faudra qu'elle se rende à l'évidence en 1971 que, bon, il y a un mouvement dans la société française, un mouvement qui est en train de devenir international et qui est très fort. Et c'est à partir, donc, de ce mouvement qui est déjà en opération qu'elle fait cette transition, qu'elle commence à s'identifier comme féministe, un terme qu'elle refuse d'utiliser avant. Oui. Et même au moment, après la publication du deuxième sexe, jamais elle ne s'identifie comme féministe. Son action, quand elle finira par embrasser ce mouvement, concrètement, ce sera quoi l'action féministe de Simone de Beauvoir, Chantal Maillet? Bien, en fait, l'une des plus importantes, certainement, son implication pour la cause de l'avortement. Et d'ailleurs, lorsqu'elle a écrit le deuxième sexe, elle dit qu'il y a deux conditions pour que les femmes se libèrent, donc qu'elles se libèrent de la maternité, que l'avortement devienne accessible et que les femmes puissent gagner leur vie. Ouais. Donc, il y a un enjeu très important pour elles autour de cette question-là de l'avortement. Ouais. Et en France, il faut voir que dans les années 70, c'est aussi une question qui est extrêmement importante, qui mobilise les femmes et qui va trouver sa résolution à ce moment-là. Oui, parce que en fait, la lutte pour la contraception et l'avortement commence vraiment à la fin des années 50 et prend prend son envol vraiment parce que la résistance des organisations familialistes et de l'Église à cette question de contraception, vous pouvez l'imaginer, ouais, était extrêmement grande. Et donc, il y a eu à ce moment-là, et elle s'associe au mouvement du MLAC et du MLF sur la question de l'avortement pour obtenir une loi qui va passer peu de temps après et qui va être adoptée, ouais, sous la pression des féministes. Si elle a de très, très fortes réserves très longtemps par rapport au mouvement féministe Simone de Beauvoir, certaines féministes lui rendent bien parce qu'on l'a un peu évoquée, mais elle sera très, très critiquée, peut-être plus près de nous que du deuxième sexe en 49, mais le féminisme va évoluer, le mouvement féministe va évoluer. Et parmi ces militantes, on a évoqué son nom, Marie-Jo Bonnet, qui est probablement l'une des voix les plus critiques de Simone de Beauvoir. Elle a publié, entre autres, Simone de Beauvoir et les femmes. On l'écoute dans une entrevue qu'elle accorde à Radio Notre-Dame à Paris en 2017. Je trouvais qu'elle n'était pas claire dans son rapport avec les femmes. Elle a caché toute une partie de sa vie, en particulier ses relations amoureuses entre les femmes. Et quand je l'ai rencontrée, donc j'étais au MLF avec des amis, je participais à un groupe d'historiens avec Sartre et Beauvoir. Et donc, elle se présentait toujours comme une hétérosexuelle virile. Enfin, elle avait fait ce portrait-là dans Le Deuxième Sexe. Et moi, je l'ai cru sur parole. Et en fait, quand sa correspondance et son journal de guerre a été publié après sa mort, là, on a découvert une autre Simone de Beauvoir. Et moi, ça m'a fait un drôle d'effet parce que c'était pas la femme que j'avais connue. Et je trouvais qu'il y avait un clivage qui était vraiment très, très, très insupportable pour une féministe. Et donc, j'ai voulu revenir et étudier la question. Que nous dit ce silence de Simone de Beauvoir, Chantal Maillet, à propos de ses relations homosexuelles? Elle qui a prétendu, en tout cas, y aller dans ses œuvres de récits autobiographiques. Ouais. Et en fait, on peut penser que Beauvoir vient d'un milieu bourgeois, qu'elle a encore cette culture bourgeoise dans laquelle c'est mal vu de parler de sexualité ouvertement. Il y a ça comme premier élément. Il y a un deuxième élément qui est le fait que le couple mythique qu'elle forme avec Sartre, lui sert de bouclier, lui permet donc d'avoir un statut d'intellectuel public qu'elle n'aurait pas eu autrement. Je veux aussi ajouter qu'en fait, si on sait tout ça de Simone de Beauvoir, c'est qu'elle a beaucoup écrit. Hein? Ouais. Et sinon, on ne le saurait pas. Donc, il y a des tas de gens comme ça qui ont des vies parallèles, qui demeurent secrètes. Mais dans le cas de Simone de Beauvoir, puisqu'elle a eu donc cette écriture très prolifique, on sait mais tout de sa vie. Mais qu'est-ce qui choque tant une Marie-Jo Bonnet dans ce silence? Oui, bon, mais en fait, Marie-Jo Bonnet dit par rapport à cette question-là, c'est qu'en fait, Simone de Beauvoir n'a pas été authentique, ouais, n'a pas été franche parce qu'elle s'est beaucoup mise en scène, elle a parlé de sa vie, s'est donnée en modèle, mais le modèle qu'elle proposait, il faut voir comment le couple Sartre et Beauvoir dans les années 70, c'est vraiment des rockstars, là. Ouais, c'est ouais, des gens, il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui, ouais, mais ça reposait sur une fumisterie qui était un couple qui, en fait, n'en était plus un depuis fort longtemps. Sur ses relations homosexuelles, une chose aussi qui a suscité de très fortes critiques par rapport à Beauvoir, Aurélie Langteau, puis je suis curieux de vous entendre parce qu'on est dans, puis on va en parler dans un instant encore, dans cette nouvelle vague de féminisme à l'ère du moi aussi. On lui a reproché, entre autres, d'aller à la chasse aux jeunes filles dont elle faisait profiter Sartre aussi souvent, d'être presque une prédatrice. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que ça nous dit sur Beauvoir, cette pratique homosexuelle qu'on a décrite comme froide, dure à l'endroit des jeunes femmes avec qui elle avait des relations? Mais il y a plusieurs choses là-dedans. Une des raisons pour lesquelles elle tentait d'avoir des liens très proches avec des jeunes femmes avec qui Sartre aussi avait des relations, c'était en partie par jalousie. Elle les gardait proches d'elle pour garder le contrôle sur leur liaison avec Sartre. Mm-hmm. Alors que pourtant, elle, la première grande histoire d'amour de sa vie, eh bien qu'elle ne l'admette jamais, et sans doute avec une femme, avec cette amie de jeunesse, Zaza, ouais, qui décède subitement à l'âge de 21 ou 22 ans d'une encéphalite et chose qui va dévaster Simone de Beauvoir. Et elle reste un peu aussi traumatisée parce que leurs mères respectives, Zaza et elle, Zaza Elisabeth Lacoing de son vrai nom, ont tout fait pour les séparer, sentant bien qu'il y avait plus que de l'amitié entre ces deux femmes-là. Il était là, déjà. Il était vraiment là. Ouais. Et elle va dire une phrase dans les mémoires d'une jeune fille rangée qui, je crois, est pleine d'ambiguïté et peut nous permettre de comprendre sa relation un peu trouble avec sa bisexualité. C'est qu'elle va dire « J'ai longtemps pensé que j'avais payé ma liberté de la mort de Zaza. » C'est donc dire que la disparition de Zaza l'avait certes dévastée, mais lui avait peut-être aussi permis d'embrasser une vie plus hétérosexuelle, plus traditionnaliste également. Donc, il y a vraiment un nœud très complexe dans tout ça. C'est déjà le moment d'un dernier tour de table sur ce qui reste, au fond, aujourd'hui, de Simone de Beauvoir. Yolande Cohen, vous enseignez comment, par exemple, Beauvoir est perçue par vos étudiants? Je voudrais juste dire un mot sur cette question de l'homosexualité, parce que je pense qu'aujourd'hui, la question est vraiment fondamentale. Elle est témoin dans les années 70. Marie-Jo Bonnet est une militante de l'homosexualité depuis très longtemps. Et elle a reproché beaucoup, et elle a critiqué beaucoup le mouvement féministe des années 70 d'avoir ignoré et d'avoir écarté même de ses rangs la question de l'homosexualité et les homosexuels, femmes qui en étaient membres. Et donc, elle a beaucoup souffert, et je crois que c'est pour ça qu'elle a ce regard aussi vis-à-vis de Simone de Beauvoir. Est-ce qu'on peut le lui reprocher ? Aujourd'hui, je pense qu'on veut, et mes étudiantes aussi me le disent comme ça, elles veulent avoir plus de transparence, c'est-à-dire une plus grande adéquation de la vie qu'on mène et des propos qu'on tient. Vos étudiantes, elles la lisent, c'est une voix qui compte, Beauvoir. Moi, je la mets au programme régulièrement, mais je dirais que ce n'est pas le grand enthousiasme. Ouais. Et son écriture, Le deuxième sexe, leur apparaît un petit peu lointain, c'est un peu forcé, un petit peu détaché d'elle. Chantal Maillet, vous enseignez aussi à l'Institut Simone de Beauvoir. Il y a très peu d'instituts Simone de Beauvoir. Pourquoi? Ben, en fait, je n'aurais pas de réponse à ça, mais je peux vous dire que nous, c'était pour l'honorer au moment où elle était toujours en vie. Elle avait donc consenti à ce qu'un institut de recherche féministe porte son nom. C'était franche quand même. Était franche, mais en fait, j'aimerais juste peut-être dire quelques mots sur comment on l'utilise aujourd'hui. Je pense que quand elle a dit « on n'est pas femme, on le devient », elle a mis au monde l'idée de genre, qui est maintenant une idée centrale dans la théorie féministe et qui est également récupérée par des minorités sexuelles comme les trans, qui utilisent cette idée-là « on n'est pas femme, on le devient » pour expliquer plus ou moins l'idée qu'on puisse vouloir changer d'identité sexuelle. Aurélie Langteau, je reviens à cette ère du moi aussi, qui est associée à cette nouvelle vague de féminisme qu'on vit actuellement. Est-ce qu'elle a une place dans tout ça? Quelle est la place de Simone de Beauvoir dans cette nouvelle vague féministe? Bien, je pense que Simone de Beauvoir, il faut bien le dire, ses théorisations sur le féminisme ont été largement dépassées par tout le féminisme de la troisième vague, et ce qui explique peut-être pourquoi les étudiantes de Mme Cohen sont moins intéressées à la lire. Je crois que ce qui est peut-être plus touchant, ou en tout cas avec lequel il est plus possible de s'identifier, c'est son travail littéraire, à mon avis. La place de Simone de Beauvoir en est une de mémoire, de comprendre d'où l'on vient. Cette intuition qu'elle a eue de comprendre la construction du genre et la subordination des hommes, du sexe féminin au sexe masculin, ça reste toujours d'actualité. Mais à mon avis, c'est peut-être pas la théorie qui permet le mieux d'expliquer les défis féministes contemporain. Toujours est-il que c'est une icône qui demeure importante dans l'héritage féministe. Aurélie Langteau, chroniqueuse au devoir, auteure entre autres du livre « Les libéraux n'aiment pas les femmes ». Chantal Maillet, professeure en études féministes à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia. Et Yolande Cohen, professeure au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'histoire des femmes. C'était passionnant. Merci, merci à toutes les trois. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.